J'ai beaucoup trop envie de toi pour pouvoir parler d'autre chose. Quand tu pars, je deviens morose, les yeux fermés du bout des doigts. Si tu savais tout ce que j'ose, tu penserais du bien de moi. Je murmure n'importe quoi et je ne rêve que de toi. Je fabrique des heures de fête et je les partage avec toi. Je deviens de plus en plus bête. J'ai beaucoup trop envie de toi. J'ai beaucoup trop envie de tout. Ce que tu montres ou que tu caches. Dans mon rêve alors je me fâche et je saccage tes dessous. C'est d'avoir envie de moi. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Birelli Lagrène.